Après 1967, à coup sûr viendra 1968. Mais avant d'aborder 1968 par les archives, il serait bon d'effectuer un petit retour en arrière et de nous intéresser au tout début des années 60. Dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarès, Le Progrès et la Vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douelle. Les années 60. De deux choses l'une, soit vous les avez vécues, soit vous ne les avez pas vécues. Simple question de génération. Si vous les avez vécues, peut-être croyez-vous les avoir oubliées. Si vous ne les avez pas vécues, peut-être pensez-vous ne pas les connaître. Vraiment. Dans le désordre, l'homme sur la lune, le monokini, le twist, un carteron de généraux à la retraite, les adieux de Brel à l'Olympia, l'assassinat de Kennedy, Thierry la Fronde, mai 68, ça ne vous dit rien. Le printemps de Prague, West Side Story, une petite chienne dans l'espace, les élucubrations d'Antoine, la construction du mur de Berlin, les vachettes d'Interville, Belphégor, Pierrot le Fou, non plus. Mais les couettes de Sheila, le matin des magiciens, les émeutes raciales en Alabama, le procès Eichmann, l'enlèvement de Ben Barka, etc., tout cela ne vous dit vraiment rien. Alors, c'est bien à vous que ces émissions s'adressent. De 1960 à 1969, 10 années. Et quelles années ? Événements politiques, culturelles, économiques, françaises et internationaux. Faits divers, interviews de célébrités, célébrités d'une heure ou d'une décennie, voire plus. Quelques tubes de l'été ou de toute autre saison. Des archives, brèves, des archives plus longues, toutes conservées amoureusement et restaurées par l'INA, Institut National de l'Audiovisuel. Vous verrez, vous entendrez. En 1960, en 1961, en 1962, etc., on ne parlait pas exactement comme aujourd'hui. Ou bien si, cela dépend. Sans que l'on sache pourquoi. Le ton, le timbre, les génériques, la manière de poser les questions, tout a changé ou rien n'a changé. Bien sûr, le passé que l'on vous propose de découvrir, feignant toujours de parler à des auditeurs qui seraient amnésiques ou devant lesquels jamais personne n'aurait parlé des années 60, ce passé est un passé radiophonique. Ces émissions ne sont pas des émissions d'histoire avec un grand H, mais d'histoire au pluriel et avec un petit H. Des histoires de voix, de mélodies, d'infos fugitives mais marquantes, de faits légers. Histoire non exhaustive, on s'en doute, et donc sélective, comme la mémoire se doit de l'être. Fermez les yeux, nous voici en 1960. Deux méthodes sont possibles pour laisser une année se raconter. La méthode chronologique stricte, l'année commence en janvier, généralement le 1er janvier, ou la méthode rétrospective. La radio a toujours adoré les rétrospectives, les commémorations et autres célébrations. En 1960, déjà, les chansonniers du grenier de Montmartre, fin décembre, revenaient, à leur manière, sur l'année écoulée. Quand l'année s'enfuit avant qu'une autre la remplace, dans leur vieux grenier on voit monter les chansonniers. Car au bout de l'an, la tradition veut qu'on embrasse d'un regard jaloux l'année qui se trouve derrière nous. À l'enterrer gaiement, vous êtes invités. Vous auriez tort vraiment de ne pas accepter. Ah non, ne nous dites pas non. Chaque couplet, c'est un souvenir qu'on fredonne. Bien vite, allez-y sans façon. Au téléphone, réclamez-nous les chansons. Et si chacun joue à ce jeu, 61 fera des débuts joyeux. Allons, donnez-nous des chansons. Tout est permis, un soir de réveillon. Entrez, Oui, mademoiselle, entrez, voici votre bureau. Asseyez-vous, je vous en prie. Mademoiselle, comment déjà ? Suzanne. Ah oui, c'est vrai, mademoiselle Suzanne. Je vous présente mon associé, monsieur Raymond. Enchanté, mademoiselle. Et je suis moi-même monsieur André. En somme, le tableau célèbre, Suzanne et les deux vieillards. Oh, tout de même ! Nous espérons, mademoiselle, que vous serez satisfaite de votre nouvel emploi. Oh, sûrement, monsieur. J'ai été tellement contente en trouvant cette annonce dans le journal. Standardiste pour chansonnier. Travail facile et plaisant. La RTF est si généreuse. Oh là là, pensez. Et le travail est enfantin, vous allez voir. Regardez sur votre bureau là, n'est-ce pas? Vous avez un téléphone grâce auquel nous allons recevoir les appels des auditeurs qui souhaitent réentendre certains de nos couplets. C'est ça. Ils forment un numéro sur le cadran et ils obtiennent illico les chansons de l'an 60 avant que celui-ci disparaisse tout à fait dans la nuit des temps. Oui, en somme, c'est une sorte d'SVP. C'est ça, SVP. D'ailleurs, c'est notre devise. Et oui, SVP. Sonnez, vous poufferez. Ah, allô, allô? Allô, monsieur. Oui? Voulez-vous me parler de la naissance en janvier? De la naissance en janvier? Si c'est pour le flanc lourd, madame. C'est un garçon, il se porte bien. Non, non, l'arrivée de Nicolas, chantée par André Rochelle. Ah, merci pour votre bon goût, madame. Oh, vous savez, c'est pas tellement pour la chanson. Ah oui, merci quand même. C'est que je suis amoureuse de Jacques Charrier. Et j'aurais tellement voulu être à la place de Brigitte. Hein? Au moment de la naissance? Enfin, non, mais avant... Ah, je vois. Ne quittez pas, madame, je vous en prie. Je vais vous mettre en communication avec la clinique. Ainsi tout tranquillement sans l'ombre d'une secousse, jeune Nicolas Bardot vient de montrer sa frimousse. Oh, monde entier, il a poussé un cri qui fit dire « Oh papa, quelle merveille il aura, la même voix que Dalida. » Oh le beau bébé. À la seconde précise où apparut le moutard, 48 photographes sortirent de dessous le plumard, l'œil enflammé. Bébé remarqua même une bosse sous son sommier. C'était le 49e qui était resté coincé. Quel beau bébé! Brigitte leur expliqua, j'eus les premières douleurs. Hier, alors que j'étais devant mon téléviseur, en train de rêver. Et quand Michel Simon sur l'écran m'a souri, j'ai entendu quelqu'un frapper sous mon nombril. C'était le bébé! Il me faisait songer, je vous jure que c'est vrai. Au locataire qu'il soit, crie cordon s'il vous plaît. L'air excédé, paraît que si j'avais vu la tête de monsieur Malraux, j'aurais souffert autant, mais accouché plus tôt. Je ne sais que penser. Trois voyantes se sont penchées sur l'enfant roi. Il sera intelligent, ont-elles dit toutes les trois, sans se consulter. Intelligent parbleu, c'est normal, les Bardot. Tout le monde l'a constaté, possède des cerveaux très développés. Il ira dans la lune, a même dit l'une d'entre elles. Mais là, il y a un ennui, elle ne précise pas laquelle. Faut se renseigner, comme l'affirmait d'ailleurs un savant pince sans rire. Celle de sa mère devrait largement lui suffire. Mais en attendant, quel beau bébé! Nous retrouverons plus tard ces chansonniers. Mais l'actualité se vit aussi, et avant tout, par définition, en direct. Voici un extrait du journal radiodiffusé de la mi-journée du 6 janvier 1960. Le fait de cette journée, le fait populaire, pourrait-on dire, valable pour Paris, comme pour Nice, Bayonne, Roubaix, Quimper ou Colmar, pour toute la France, c'était la mise en circulation de la nouvelle unité monétaire, car si le premier franc est né le 1er janvier, c'est aujourd'hui qu'il faisait dans le monde ses timides premiers pas. On vous a tout dit sur la mécanique théorique de la virgule, comment a fonctionné aujourd'hui la mécanique pratique au guichet, au comptoir ou au zinc. C'est Francis Mercury qui nous renseigne. Muni de la nouvelle monnaie, j'ai fait quelques achats. Je voudrais un paquet de gauloises, madame. Voilà, monsieur, 115 vous dois... francs. Pardon ? 115 francs. On ne dit pas autrement maintenant ? 1 franc 15. Voici, je vous donne 5 francs. Très bien, alors je vais vous rendre sur 5 francs, monsieur. 5 francs, 5 ans, 2 francs, 2 et 3, 5. Voilà, monsieur. Merci, madame. On vous doit combien pour ce journal, madame ? 25 francs, monsieur. 25 francs ? Oui, ah, monsieur. Je trouve que c'est un peu cher, madame. Ah, bah 0 francs 25 si vous voulez. Ah, merci. Voici une pièce alors, de 5 francs. Alors, c'est 500 francs, monsieur, ça. Ah, c'est 5 francs, il y a marqué dessus 5 francs. Francs. Bon, bah alors... Qu'est-ce que vous me donnez en échange ? Eh ben, la monnaie ? Je vais vous redonner 475 francs. Ah non, je vous donne 5 francs, vous ne pouvez pas me rendre 475 francs. Je voudrais 4, 4,75 francs. Merci beaucoup, madame. Alors, je vous mets un verre devant moi. Un rouge, oui, s'il vous plaît. Un rouge, monsieur. Je vous dois combien ? 40, monsieur. 40 quoi ? 40 centimes. Eh bien, nous voilà donc solidement installés dans nos petits problèmes économiques particuliers. En politique intérieure, Francis Mercury, les vacances parlementaires, vacances qui se poursuivront maintenant jusqu'à la fin du mois d'avril, eh bien, ces vacances remettent indirectement en lumière des problèmes qui, évidemment, étaient au second plan quand les députés et les sénateurs siégeaient. Et Monsieur Debré profite de cette trêve. Il se rendra à Vannes, Rennes et Quimper, Saint-Brieuc, puis à Nantes et Saint-Nazaire. Ce voyage sera consacré à la crise que traverse la construction navale française. On sait qu'un livre blanc va être publié à ce sujet par le gouvernement. La presse en aura connaissance vraisemblablement demain. Monsieur Michel Debré se rendra en février ou en mars dans le sud-ouest. Enfin, un quatrième voyage du Premier ministre est prévu, cette fois en Corse. Le Premier ministre a l'intention de s'informer sur place de la situation dans les secteurs industriels et agricoles. Dès à présent, il étudie avec les ministres intéressés les problèmes qui se posent. La situation économique est d'ailleurs très favorable si l'on en juge les chiffres publiés aujourd'hui par l'Institut national de la statistique. La production française a battu tous ses records au mois de novembre. Il s'agit d'un véritable bond en avant. Elle a atteint l'indice 181 par rapport à novembre 1952. Ceci représente plus de 80% d'augmentation en 7 ans. Merci Francis Mercury. Ce matin, Albert Camus a été inhumé dans le village de Lourmarin où se trouvait sa propriété. Et depuis Marseille, Violette Bonfils nous donne un écho de la cérémonie. Les obsèques d'Albert Camus ont eu lieu à midi dans le village de Lourmarin. 6 jeunes gens portaient le cercueil sur le chemin bordé de vignes qui va de la maison de Camus au cimetière. Madame Albert Camus, chancelante, était guidée sur cette longue route de 500 mètres par les amis les plus chers, Madame et Monsieur Agnelli. Des écrivains, des poètes, des artistes étaient là. Jules Roy, Emmanuel Robles, Gabriel Odizio, venu d'Algérie, l'éditeur Gaston Gallimard et sa famille, Madame Pierre Blanchard, tous les yeux rougis, les traits bouleversés. Les 600 habitants de Lourmarin qu'il avait adoptés d'emblée se sont mêlés en un long cortège aux admirateurs du grand écrivain, aux journalistes venus d'un peu partout, aux personnalités officielles. Selon le vœu du disparu, l'inhumation a eu lieu en pleine terre, entre un groupe de cyprès et le tombeau de Raoul Dautry, ancien ministre, qui fut maire de Lourmarin. Ici, Marseille, à vous, Paris. Tout a changé depuis 1960, fût-ce pour de strictes raisons professionnelles, aucun journaliste n'oserait plus aujourd'hui acheter des cigarettes et siroter un ballon de rouge, trahi par son micro. Mais rien n'a changé depuis 1960, ou plutôt l'histoire, comme toujours, se répète, s'est répétée. Les difficultés pour passer de l'ancien au nouveau franc en évoquent d'autres, plus récentes. Nouveau franc, franc nouveau, franc lourd. Quelle formule devait-on privilégier au micro de la radiodiffusion nationale ? Tous les mots nouveaux paraissent laids, dira dans l'émission qui vient la comédienne Maribel. Tâchons de suivre l'injonction contenue dans le titre même de cette série de la radio scolaire diffusée en début d'année 1960, Parlons peu, parlons bien. Il était question d'organiser une journée sans accident d'expression, journée prévue pour le 1er avril suivant. Parlons peu et parlons bien, une chronique littéraire de Jean Fayard, interprétée par Maribel et l'auteur. Une nouvelle journée sans accident aura lieu le 1er avril 1960 et à cette occasion, on nous a remis un petit guide nous indiquant les fautes les plus fréquentes relevées dans les feuilles. Quelles sont-elles ? La première est amener, emmener. On amène ou on emmène une personne, on apporte ou on emporte une chose. Mais là, beaucoup de gens ont déjà protesté. Sans même parler de l'expression de la marine où on amène le pavillon pour dire que l'on se rend, la définition est beaucoup trop stricte. On emmène aussi des animaux, et en particulier son chien. La seconde est ambiance. Cette fois, je trouve l'office de vocabulaire trop coulant. Il réprouve ambiance dans le sens d'animation et l'admet dans le sens de milieu moral. Vous êtes plus sévère et vous m'avez convaincu. J'ai rayé ambiance de mon dictionnaire personnel. L'OVF définit authentique comme conforme à l'original. C'est sans doute un peu limité. Authentique veut dire vrai, frais, garanti, certifié, sans contestation possible. Un cri de protestation est authentique comme un vin ou un tableau. D'ailleurs, un tableau authentique de Léonard de Vinci n'est pas conforme à l'original. C'est l'original lui-même. Naturellement. Vous voyez que nous trouvons quelques fautes dans les oukases de nos correcteurs. C'est bien notre tour. Ils disent ensuite que contexte ne s'applique qu'au texte qui entoure un membre de phrase et ils condamnent dilemme et alternative qui ne comporterait pas deux branches ou deux solutions. Mais pour la suite, voyez-vous-même. Évoquer signifie proprement appeler ou rappeler ou souvenir. On l'emploie trop fréquemment dans le sens de considérer et même dans celui de traiter, de discourir sur. Qu'est-ce que cela veut dire ? J'avoue que j'ai rarement remarqué un tel usage abusif d'évoquer. Mais peut-être en trouve-t-on des exemples dans les copies du 1er avril. Voici maintenant exaction. Commettre une exaction, c'est exiger de quelqu'un plus qu'il ne doit et non pas se livrer à un acte de barbarie. Tiens, ici, j'apprends quelque chose. Je croyais aussi qu'une exaction, c'était assez grave. Récupérer signifie reprendre ce qu'on a perdu et non pas prendre ce qu'on n'avait pas. Je ne l'aurais pas cru non plus. Naturellement, on condamne encore soi-disant et enfin valable. Mais je crois que nous avons discuté ensemble sur le cas de valable et que nous avons été moins durs. Si valable veut dire qu'il y a une certaine valeur, pourquoi ne serait-il pas appliqué à des œuvres d'art ? C'est plutôt l'abus qui nous a agacés, l'abus qu'en font mes amis les femmes du monde. Après cela, voici la liste des néologismes d'origine étrangère réprouvés. Clearing, flash, contacté, leader, etc. Acceptez-vous ces décisions aveuglément ? Pas toutes. Flash peut se remplacer par éclair, mais il est bien commode et bien pittoresque pour désigner la lampe instantanée d'un photographe. On aura un certain mal à chasser clearing. Je reconnais que contacter est vilain, mais il est terriblement répandu dans la langue militaire. Les Anglais ont même formé le verbe « liaiser » pour définir le travail de l'agent de liaison. Eh bien, ce verbe est parfois utile. Je vois que « leader » et « leadership » sont défendus. Oui, et on a peut-être raison puisqu'ils sont remplaçables. Parking. La guerre a été déclarée à parking. On ne le reconnaît pas officiellement. Si les journaux et le public s'y mettent bravement, on pourra peut-être tuer ce mot étranger et le remplacer par « parc auto », par exemple. Mais c'est une épreuve de force. Et son résultat montrera si les militants ont un peu de pouvoir contre l'inertie de la masse. Moi, je n'ai pas d'opinion. Je suis habitué à parking, mais je m'en déshabituerai peut-être si je ne le lis plus nulle part. On ne veut pas de relax, sauf, je pense, pour les prisonniers. Mais on nous propose détente ou repos qui ne comporte nullement l'idée nouvelle donnée par relax anglais, ou plutôt américain. La parfaite décontractation musculaire ou morale. On a inventé une nouvelle façon de courir, les muscles détendus, qui donnent de bien meilleurs résultats que l'ancienne, à base de crispation. C'est cela qu'on trouve dans relax. Et pas dans détente ni repos. Non. Ensuite, rewriter est mis au pilori. Je le veux bien, car l'orthographe rend le mot difficile à prononcer pour quelqu'un qui ne sait pas l'anglais. Mais réviseurs ou adaptateurs qui nous sont offerts sont des remplaçants très insuffisants. Un rewriter est un monsieur qui réécrit un article d'après 1, 2, 3 ou 10 autres, plus ou moins informes. Cette fonction nouvelle mérite un mot nouveau. Quelqu'un a proposé un récrivain et un autre un rescripteur. Je n'opte pas. Tous les deux sont très laids. Tous les mots nouveaux paraissent très laids. Comme les chapeaux nouveaux. Oh, on s'habitue très vite aux chapeaux. Beaucoup plus vite qu'aux mots. Mais vous les gardez moins longtemps, mesdames. C'était « Parlons peu, parlons bien », une chronique littéraire de Jean Fayard, interprétée par Marie Belle et l'auteur. Tu parles trop, j'entends du soir au matin. Les mêmes mots, toujours les mêmes refrains. Tu fais bla bla bla. C'est ton défaut. Tu parles à tort des gens que tu ne connais pas. Tu dis bien fort ce que l'on pense tout bas. Tu fais bla bla bla. C'est ton défaut. Tu parles à tort si la parole est d'argent. J'aurais bientôt fait fortune en t'écoutant. Tu fais bla bla bla. C'est ton défaut, oui. tu parles trop avec toi, mon percepteur. De mon magot, connais le chiffre par cœur. Tu fais bla bla bla, c'est ton défaut. Oui, tu parles fort, tu ne comprends jamais rien. Tu parles à tort, malgré ça je t'aime bien. Tu fais bla bla bla, c'est ton défaut. Tu parles trop, mais quand il s'agit d'amour, rien n'est plus beau, tu peux parler nuit et jour. Oui, oui, ah, c'est jamais trop, non, jamais trop. France Culture, les années 60. Entre le 24 et le 31 janvier 1960, c'est à Alger la semaine dite des barricades, affrontement entre forces de l'ordre et Européens d'Algérie. Dès le 25 janvier, le général de Gaulle intervient sur les ondes. L'émeute qui vient d'être déclenchée à Alger est un mauvais coup porté à la France. Un mauvais coup porté à la France en Algérie. Un mauvais coup porté à la France devant le monde. Un mauvais coup porté à la France au sein de la France. Avec le gouvernement, d'accord avec le Parlement, appelé et soutenu par la nation, j'ai pris la tête de l'État pour relever notre pays, et notamment pour faire triompher dans l'Algérie déchirée, en unissant toutes ces communautés, une solution qui soit française. Je dis, en toute lucidité et en toute simplicité, que si je manquais à ma tâche, l'unité, le prestige, le sort de la France seraient du même coup compromis. Et d'abord, il n'y aurait plus pour elle aucune chance de poursuivre sa grande œuvre en Algérie. J'adjure ceux qui se dressent à Alger contre la patrie, égarés qu'ils peuvent être par des mensonges et par des calomnies, de rentrer dans l'ordre national. Rien n'est perdu pour un Français quand il rallie sa mère, la France. J'exprime ma confiance profonde à Paul Delouvrier, délégué général, au général Schall, commandant en chef, aux forces qui sont sous leurs ordres pour servir la France et l'État, à la population algérienne si chère et si éprouvée. Quant à moi, je ferai mon devoir. Vive la France ! L'année 1960, comme toutes les années, est une année moderne. C'est-à-dire en fait que l'on se plaît à imaginer idéalement l'avenir et que l'on croit ainsi éloigner le passé, le rendre ringard. Pourtant, dans l'émission qui suit, on se croit dans une œuvre de science-fiction, certes, mais qui rappellerait les années 30 ou 40. L'avenir envisagé quand on le découvre plus tard dans les archives de l'INA, évidemment, c'est toujours plaisant. Voici donc, avec la participation volontaire et qu'il convient de saluer, d'un technicien de la radio publique, un sujet scientifique de haute importance, policière et judiciaire. Voici réalisé par Paul Castan, une émission de Paul Sarès, Le progrès et la vie. Comment fonctionne la machine à détecter le mensonge? Quelle est la valeur des résultats qu'elle permet d'obtenir? De quelle manière peut-elle servir efficacement la justice sans violer les droits de la personnalité humaine? Telles sont les principales questions que Paul Sarès posera ce soir à M. Heuyer, professeur honoraire à la faculté de médecine de Paris, et à M. Jean Susini, chargé de recherche à la Société internationale de criminologie. Bonjour M. le professeur, bonjour M. Susini. Je vous remercie d'avoir bien voulu nous recevoir dans ce laboratoire où depuis des années, vous expérimentez la machine à détecter le mensonge. En effet, ce qu'on appelle le lie detector est employé par la police américaine depuis une trentaine d'années. C'est un instrument relativement simple. Nous préférons ne pas lui donner ce nom spectaculaire de lie detector. Nous préférons l'appeler un polygraphe, car c'est réellement un appareil d'expérimentation physiologique. Ces éléments sont bien connus dans leur utilisation isolée en physiologie et en clinique. D'ailleurs, le voici. Et M. Susini va vous expliquer le principe de son fonctionnement. Comme vous le voyez, le polygraphe est un appareil extrêmement simple. Il s'agit d'une excellente réalisation mécanique permettant l'enregistrement simultané sur un même papier enregistreur de trois phénomènes naturels. Le rythme respiratoire, enregistré par le pneumographe, les battements et la pression du sang dans le bras, enregistré par le sphygmographe, et le réflexe dit psychogalvanique. D'ailleurs, nous allons procéder, si vous voulez bien, d'une expérience qui consistera à découvrir le nom d'un technicien de la RTF. Exactement. Eh bien, voulez-vous vous prêter à cette expérience, monsieur? Mais avec plaisir, monsieur. Eh bien, enlevez votre veston, je crois, relevez votre manche de chemise, la droite si vous voulez, et prenez place sur ce fauteuil. Mettez-vous dans une attitude décontractée. Mais soyez rassurés, vous voyez, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas intimidant. Eh bien, en ce moment, monsieur Susini met une ceinture élastique autour du thorax de monsieur X. Eh bien, la ceinture étant placée, monsieur Susini met maintenant un brassard qui ressemble à celui qu'on emploie pour la prise de la tension artérielle. Le brassard étant mis, je vous le gonfle à l'aide de cette poire. Ici, je crois, grâce à ce brassard, que vous enregistrez la pression artérielle et la fréquence et l'amplitude des pulsations. Comme pour le système pneumographique, les variations vont être retransmises par un tambour sur le même graphique. Maintenant, donnez-moi cette main. Je vais y adapter deux électrodes humides. Alors, en ce moment, on adapte ces électrodes, l'une sur le dos de la main et l'autre sur la paume de la main. Voilà qui est fait. Grâce à ces deux électrodes, nous allons recueillir le réflexe psychogalvanique. Donc, sous l'effet de l'émotion provoquée, par exemple, par le mensonge, la pression artérielle et le rythme cardiaque peuvent être perturbés. Le rythme et l'amplitude des mouvements respiratoires peuvent être modifiés et les glandes sudoripares peuvent produire un excès de sueur. Et ce sont tous ces phénomènes qui se trouvent être enregistrés en même temps par cet appareil. Mais voulez-vous, commençons l'expérience. Sur ce petit papier, il y a sinon l'inscrit. Le vôtre y est. Oui, monsieur, oui. Eh bien, oui, j'ai inscrit ces noms avec monsieur. Je ne connais moi-même absolument aucun de ces noms. Et vous allez, je crois, demander à monsieur de répondre non à toutes les questions. Je vais l'appeler par chacun de ces noms et il devra toujours me dire non. Nous allons voir si, à ce moment-là, l'appareil révèle son nom. Je mets l'enregistrement en marche. Ne bougez pas, surtout. Êtes-vous prêt? Vous appelez-vous Dumont? Non. Car? Non. Chevillet? Non. Desjeunes? Non. Vicky? Non. Zagiac? Non. Eh bien, les six noms ont été appelés maintenant, et je crois que M. Susini vient d'arrêter l'appareil et va regarder le graphique qui vient d'être ainsi tracé. M. Susini va maintenant faire un nouvel interrogatoire dans le sens inverse, de façon à voir si c'est toujours à la même question que peut se produire là où les perturbations. Sortons ce graphique et regardez. Eh bien, il me semble qu'un des tracés fait une pointe à la question numéro 5, lorsque vous avez appelé les noms. Exactement. Et donc, je regarde la liste. Le numéro 5 correspond au nom de Vicky. Vous appelez-vous Monsieur Vicky? Mais oui, je m'appelle Richard Vicky. Eh bien, c'est parfait, merci. Je ne demande pas votre carte d'identité, j'ai confiance. Eh bien, Monsieur Susini, quel est le tracé qui a été perturbé dans cette expérience? Le tracé indicatif est sans conteste le tracé cardiaque dans le premier de ces deux enregistrements. Il est fortement secondé par le réflexe galvanique lui-même qui, comme vous pouvez le voir, au moment du 5, c'est-à-dire du nom de Wiki, a une déflexion extrêmement puissante. Et il est également secondé par le tracé respiratoire et qui, au moment crucial du nom de monsieur, s'est trouvé prendre la forme caractéristique d'un aplatissement de la respiration. On peut dire que le polygraphe, puisque vous préférez ce mot, a déjà été employé avec succès, en particulier en Amérique, n'est-ce pas, M. Susini? Oui, depuis 30 ans. Et en France, monsieur le professeur? Eh bien, en France, il est bien évident que jusqu'à présent, on n'a pas pu l'employer dans des affaires de police, comme en Amérique. Monsieur Susini a fait dans mon laboratoire, depuis 6 ans, des observations chez des adolescents délinquants mis en observation alors dans mon service. Or, c'est un fait habituel, assez curieux. Les adolescents délinquants mentent rarement avec opiniâtreté. Mais nous avons expérimenté le polygraphe dans des cas d'accusation émises par des fillettes ou des jeunes filles contre des adultes. Ce sont presque toujours des accusations sur un thème sexuel. Ce sont souvent des accusations calomnieuses, car la vérité ne sort pas par la bouche des enfants. Mais il fallait en détecter le caractère calomnieux. Par exemple, dans le cas d'une fillette de 12 ans qui accusait sa mère de faits graves, scènes érotiques, hétéro et homosexuelles devant elle, encouragement à l'impudeur, description précise des scènes, des lieux, des dates, désignation des personnes. Comme il s'agissait d'une séparation préludante à un divorce et que l'enfant était placé chez les grands-parents paternels, il y avait une interpsychologie passionnelle qui compliquait le problème. Les grands-parents, soutenus par un professeur de droit d'une faculté de province, ajoutaient des détails à la version de l'enfant. Ils donnaient des précisions, souvent si contradictoires que des doutes surgissaient sur leur exactitude. L'enfant, intelligente et tenace, affirmait, confirmait, niait, sans démordre, et donnait tous les signes d'une grande sincérité. Toutefois, la haine pour sa mère était évidente. Or, au polygraphe, la réponse affirmative à la question répondant au point névralgique que M. Susini appelle le pic de tension s'accompagna d'une réaction psycho-galvanique et respiratoire, très nette. Notre conviction fut formelle, l'enfant mentait. Ce ne fut que le lendemain de l'expérience que l'enfant avoua son mensonge. Elle l'avait organisé d'après les questions, les réflexions, les commentaires des grands-parents. Le lie détecteur semble donc présenter de très nombreux avantages. Et pourtant, son utilisation en justice soulève de très violentes polémiques. Quelle est votre opinion à ce sujet, M. Susini ? Mon opinion est extrêmement simple. Dans ce domaine, le polygraphe ne peut permettre que de découvrir des indices et ne peut absolument pas servir de moyen de preuve. Vous pensez donc que cet appareil ne devrait servir qu'à orienter, qu'à faciliter l'enquête, qu'à permettre à des innocents de donner un témoignage de leur innocence sans que la justice puisse baser une accusation uniquement sur les indices de cet appareil ou sur le fait qu'un individu a refusé de se soumettre à cette épreuve du mensonge? Nous nous ferons un plaisir de répondre aux questions que vous voudrez bien nous poser sur l'entretien de ce soir ou sur tout autre sujet scientifique d'actualité. Écrivez à la Radiodiffusion Télévision Française, émission Le Progrès et la Vie, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. C'était réalisé par Paul Castan, une émission de Paul Sarès, Le Progrès et la Vie, consacré ce soir au sujet suivant, la machine à détecter le mensonge, avec la participation de messieurs Heuyer et Jean Susini. Elle s'habille comme lui, d'un pantalon, d'un blouson. Quand on les rencontre la nuit, on dirait deux garçons. Leur visage paraît masqué, comment deviner qu'ils s'aiment? Ils jouent des jeux dangereux, c'est là qu'ils trouvent leur joie. C'est le temps des n'importe quoi, âge tendre et tête de bois. Ils ne se sont jamais dit le plus petit mot d'amour. Ils se baladent dans la vie en copains de toujours. Ils pensent que c'est démodé de se l'avouer qu'ils s'aiment. Ils ont des joues de gamin, mais leur cœur est déjà loin. C'est le temps des n'importe quoi, âge tendre et tête de bois. Ils vont tous les jours au cinéma. Quand ils sortent du ciné, ils prennent un Coca-Cola. Et comme des habitués, ils écoutent la machine qui fait. Elle s'habille comme lui, d'un pantalon, d'un blouson. Quand on les rencontre la nuit, on dirait deux garçons. Leur visage paraît figé, mais moi je le sais qu'ils s'aiment. Ils jouent des jeux dangereux, c'est là qu'ils trouvent leur joie. C'est le temps des n'importe quoi, âge tendre et tête de bois. Ils se jettent dans la nuit en écrasant les chemins, à grands coups de phare et de bruit. La nuit leur appartient, mais quand ils se retrouvent au jour, la route est toujours la même. C'est parce qu'ils n'ont presque rien, qu'ils voudraient tout à la fois. C'est le temps des n'importe quoi, âge tendre et tête de bois. France Culture, les années 60, aujourd'hui 1960. On a entendu en début d'émission les chansonniers du grenier de Montmartre. Par définition, les chansonniers faisaient leur chou gras de l'actualité. Pierre-Jean Vaillard, l'un d'entre eux, célèbre pour sa voix élégante, chaleureuse, son goût pour les alexandrins et ou les vers de Mirliton, traquait les petits et grands faits de société. Voici, diffusé dans une émission au titre magnifique, l'un de ses textes dignes, si si, des mythologies de Roland Barthes, texte consacré au Salon de l'Auto, ou plus précisément à la période du Salon de l'Auto. Tomates et pommes cuites. Une émission de Gisèle Paris et Robert Nagnas. Imaginez-vous que chaque année, quand vient l'arrière-saison pour voir le salon de l'automobile, oncle, neveu, cousin, sans se faire de bile, viennent envahir ma maison. Je me suis fait une raison. Ma femme est très patiente et moi je suis bon prince. Or, nous sommes tous deux natifs de la province et des tas de cousins lointains. Exaspérants d'exubérance, nous arrivent un beau matin de toutes les régions de France. Et d'un seul coup, tout est changé. On met un matelas dans la salle à manger. Un lit dans le salon avec le paravent, dans le couloir on installe un divan, dans mon bureau quelqu'un dort sur le canapé, enfin bref, tout est occupé. Quand l'oncle de Roubaix couche dans la baignoire, alors là vous pouvez me croire, c'est qu'il n'y a vraiment plus, tant on est débordé, place que pour un acrobate, ou alors pour un cul de jatte qui le cas échéant tiendrait dans le bidet. Enfin bref, nous faisons complet. De la cave au grenier, notre maison fourmille d'une affectueuse famille qui bouffe, dort et qui s'y plaît. Donc, chaque année, en octobre, aussitôt que les feuilles tombent, cette smala applique en trombe pour voir le salon de l'auto. De cette parenté folle et tentaculaire se détache, c'est bien certain, le cousin de Romorantin. Un homme merveilleux et qui sait l'art de plaire. Il est arrivé un matin... Attendez donc que je calcule. Oui, la première fois, c'était il y a 10 ans. Il était entré en disant « Coucou, c'est moi le cousin Jules ». Personne ne le connaissait. Le ciel m'en est témoin. Mais comme on dit, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Un de plus, un de moins. Nous l'avons embrassé, il nous a fait la bise, on l'a débarrassé de sa grosse valise, et pendant tout le déjeuner, car midi venait de sonner, entre la tante Alice et le cousin Denis, il a été plus qu'adorable. Nous n'étions que 24 à table ce jour-là. Les 9 de Perpignan n'étaient pas encore là. Eh bien, à tous, il a su plaire. Enfin quoi, un homme extraordinaire. Une fois les gâteaux servis, Quand il a dit la bouche pleine, je pense rester 2 semaines, vraiment, on a été ravis. Ma femme a vite fait un petit nettoyage pour que nous l'installions dans le fond du garage, car dans le poulailler, c'est l'oncle de Fécamp qui couche sur un lit de camp. Et pendant 15 jours, de l'aube au crépuscule, nous étions heureuses aussitôt qu'apparaissait ce cousin Jules qui venait voir le salon de l'auto. Et puis il est parti. Mon Dieu, quelle tristesse! Ça nous a porté un grand coup. Il n'a pas voulu laisser son adresse, disant qu'il voyageait beaucoup, mais par bonheur, l'année suivante, au milieu des neveux, des oncles et des tantes qui nous arrivaient de partout, il a surgi d'on ne sait où en gueulant dès le vestibule « Coucou, c'est moi le cousin Jules ». Et pendant 10 années, quand venait la saison où nous réunissons cette immense famille qui assiège notre maison, nous recevions ce joyeux de rire. Que de souvenirs s'accumulent dans ma pauvre tête aussitôt que je pense à ce cousin Jules qui venait voir le salon de l'auto. Pendant les 10 années passées, nous avons eu bien des décès. Rien que du côté paternel, 30 vieillards ont rendu l'âme. Et vraisemblablement, nous en enterrâmes autant du côté maternel. Que voulez-vous, c'est notre lot. De par son étendue, notre famille est telle que depuis toujours, Borgnol et Roblot s'arrachent notre clientèle. Mais des petits-enfants venaient les remplacer. L'équilibre alors se rétablissait, et chaque année, comme il est convenu, j'avais donc autant de neveux et de nièces et de parents nouveaux venus qui se répandaient dans mes pièces. Mais, précis comme une pendule, chaque année, j'entendais bientôt « Coucou, c'est moi le cousin Jules qui vient pour voir le salon de l'auto ». Cette année-ci, hélas, ce sera le silence. Nous déplorerons son absence définitivement, car nous avons reçu hier une lettre ainsi conçue. Mes bons amis, je vous livre un secret qui me pèse et me brûle. Je n'ai jamais été votre bon cousin Jules. Il y a 10 ans, chez vous, la porte était ouverte, et dans votre maison, tant de gens pénétraient qu'une occasion m'était offerte, et moi aussi je suis entré. Votre maison, monsieur, est un endroit rêvé. Je n'oublierai jamais l'accueil enthousiaste que votre famille si vaste d'un même cœur m'a réservé. J'aimais beaucoup cette maison. Pour l'instant, je suis en prison, d'où je vous souhaite le bonjour. On a éventé ma combine, le coup du cousin qui radine ne réussit pas tous les jours. Mes amitiés à Tante Ursule, vous ne verrez pas mes amis de sitôt. Puis-je encore signer pour vous le cousin Jules qui ne viendra plus voir le salon de l'auto. Eh bien, vous me croirez ou non, nous sommes tristes. Car cet homme était un artiste. Moralité, il y a une moralité. Nous connaissons, n'est-ce pas, tous, tant de parents proches qui viennent chaque année pour nous vider les poches en ne s'intéressant jamais qu'au contenu du garde-manger ou bien du menu, que malgré des sentiments tendres, il vaut mieux parfois tout attendre d'un inconnu. Aussi ne trouvez pas tellement ridicule si dans les annonces vous lisez bientôt « Pierre-Jean Vaillard cherche un cousin Jules pour lui montrer le salon de l'auto ». Tomates et pommes cuites. Une émission de Gisèle Paris et Robert Nanias. Retour à l'actualité grâce aux archives de l'INA, enfin à l'actualité d'avril 1960. Un fait divers commence, qui restera dans les mémoires. On sait qu'un fait divers digne de ce nom se doit d'avoir eu un ou plusieurs témoins. Et bien sûr que le reporter se doit d'interroger le plus authentique de ces témoins, sinon celui qui a le plus ou le mieux vu. « Vous le savez peut-être déjà, des dépêches ce matin annonçaient la disparition du jeune Éric Peugeot. Il se confirmait bientôt qu'il s'agissait d'un enlèvement. Jacques Carion, vous revenez de faire votre enquête. Eh bien oui, le kidnapping en question s'est produit hier après-midi, selon les témoins que j'ai pu interroger, entre 4 et 5 heures, au golfe de Saint-Cloud. Mais pour avoir plus de précision, il s'agit du petit-fils de M. Jean-Pierre Peugeot, c'est-à-dire du fils de M. Roland Peugeot. J'ai donc demandé à la directrice du golfe de nous dire ce qu'elle savait. On a vu qu'il y avait une petite fille de 4 ans et demi qui jouait là, oui, avec lui, et qui a vu un homme entrer par une brèche dans le mur que vous avez jamais oui, vu, qui est entré par cette brèche, qui en est ressorti avec le petit Eric dans les bras. Il y a quelqu'un de Boussague, elle était de l'autre côté dans une chaise longue, elle surveillait ses enfants malades. C'est un endroit qui est clos complètement. Oui, bien sûr. Alors il y a eu cette brèche dans le mur qui existait parce qu'il y a eu des petits-enfants américains l'année dernière qui ont fait ce trou dans le mur. Oui. On l'avait rebouché avec des grillages et le lierre avait poussé par-dessus. Il n'était plus visible. Oui, d'accord. Il n'était plus visible, alors on ne s'en souciait plus, je dis. Mais est-ce que vous ou la famille Peugeot avez par exemple une intuition quelconque, oui, un soupçon. Et le ravisseur a laissé une lettre. Il a laissé une lettre, oui. Une lettre, il réclamait 50 millions et... 50 millions, oui. Eh bien, il y avait un autre témoin à interroger, c'était le jardinier. Jouxtant le terrain de golf, la propriété elle-même, il y avait un terrain vague. Un jardinier se trouvait là, il va nous dire ce qu'il a vu. Il y a une chose bien simple, j'ai vu une voiture et deux hommes dedans, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y avait deux hommes, est-ce que vous pourriez me dire approximativement quel âge ils avaient? Ça, vous savez, je les ai vus passer comme une trombe qui arrivait dans la rue là en dessous. Oui. Vous savez, j'ai vu qu'il y avait deux hommes dedans et c'est tout. Mais alors, ils étaient en voiture. Ils étaient en voiture. Et ils sont arrêtés, ils ont sauté la palissade. Ah, ils ont sauté, je ne les ai pas vus sauter. Oui. C'est-à-dire que voilà ce qui s'est produit. Il s'est produit ceci. C'est que le propriétaire du terrain qui a acheté le terrain là, oui, est venu il y a 8 jours. Croyant que c'était le propriétaire, il y a 8 jours qu'il est venu, il m'a dit comme ça, je reviendrai avec quelqu'un pour vous demander des renseignements au sujet des conduites d'eau qu'il y a là-dedans. Et ça, ah bon, vous avez cru que c'était le propriétaire? J'ai cru que c'était le propriétaire. J'étais en train d'arroser, j'ai pas lancé ma lance. Oui, c'est bien entendu. Peut-être 10 minutes après, je dis tiens. Je dis comment ça se fait qu'il vient pas me chercher? Alors, je reviens, comme j'avais besoin de revenir à la maison, je repasse, jette un coup d'œil dans le terrain, je dis, je vois rien. Disparu? J'étais parti. La voiture était là, toujours. Oui. La voiture était là peut-être un quart d'heure, peut-être 20 minutes. Oui. C'est pas compliqué. Alors, je dis, tiens, à ce moment-là, on s'est pas fait, il y a une dame qui traversait le terrain. Je dis, madame, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, c'est défendu de venir là. Oui. Elle me dit, j'ai passé par le trou là, qui correspond avec le golfe. Qui vient chez nous. Oui. Oui. Ben, j'ai dit, oui, mais enfin, c'est défendu de venir là. Elle me dit, mais je cherche mon enfant, je cherche mon enfant. C'était madame Peugeot ou bien la nurse? Mais non, il paraît que c'était la nurse. Tout le temps, j'ai cru. La nurse qui était là. Oui. J'ai cru que c'était madame, la dame qui cherchait son golfe sans la connaître. Oui. Alors. Ben, j'ai dit, elle appelait Éric, quelque chose comme ça. Alors finalement, j'ai dit ça. Mais il dit, il paraît qu'on m'a enlevé mon gosse, et on lui dit, c'est un monsieur qui l'a enlevé. Heureusement, 2 jours plus tard, le petit Éric Peugeot était libéré contre rançon. Ses ravisseurs arrêtés près d'une année plus tard. Tout se terminait donc bien, comme tout se terminera bien, la même année pour le film de Fellini qui sortait alors en France. J'ai rencontré Fellini qui est venu annoncer la présentation à Paris et à Cannes de La douceur de vivre. Auprès de lui, notre confrère, l'écrivain Loduca, qui va traduire ce que va dire Federico Fellini. Je m'excuse de ne pas parler français, mais c'est ça. Allora, lei mi domanda che cosa... Sono particolarmente così emozionato e attendo con una certa ansia l'uscita del mio film a Parigi. Fellini dit que dans son émotion, il est difficile de déceler ses sentiments avec précision. Cependant, il souhaite... Il est presque dans un état d'angoisse pour la sortie du film en France, parce que ce sera le moment et l'occasion d'enlever autour de ce film une sorte de légende, une sorte de légende à scandale qui lui semble particulièrement artificielle. Quello che citerei particolarmente riuscire è proprio quello di riportare davanti al mio film uno spettatore completamente libero et... de rendre le spectateur français, le nouveau spectateur, donc le spectateur futur, complètement libre devant ce film, sans la hantise de ce scandale qui était le sujet italien par excellence. Il sait bien que les films de Fellini sont attendus avec impatience en France et que ce n'est pas sur celui-là seulement qu'on va le juger. Et ce n'est pas le scandale qui domine la situation. Heureusement. Perché quello che io ho tentato di fare, almeno nelle intenzioni, era proprio così, un discorso proprio sommesso, bisbigliato, una confessione all'orecchio. L'intention était surtout un discours à voix basse, à l'oreille du spectateur. Sì, una specie di confessione così da uomo ad uomo, da amico. Confession d'homme à homme, d'ami à ami. Mi rendo conto invece che questo sussurrare, questo bisbigliare è diventato invece una, così per le polemiche sono sorte, una specie di urla scomposte, un cannone. Ce murmure è divenuto un hurlement décomposé, come il dit. Se termine donc bien également pour Fellini, dont la Dolce Vita, qui vient de sortir à Paris, va obtenir à Cannes la Palme d'Or 1960. Un film pour adultes avertis, qui, s'il est passé quelques années plus tard à la télévision, a dû mériter le carré blanc. Et les enfants ? Les enfants qui, le jeudi, achètent leur illustré favori, Tintin, le journal de Mickey, Vaillant, qui deviendra le journal de Pif, Spirou, le récent Pilote, que leur propose-t-on à la radio, à ces enfants ? On leur offre, chaque fin d'après-midi, un rendez-vous avec l'un de leurs héros, et bien sûr avec le plus célèbre d'entre eux. Des héros de légende, un vent de studio qui donne l'envie du grand large, que demander de plus ? Souvenez-vous, ou imaginez-vous enfant, en 1960, vous rentrez tout juste de l'école, et en dégustant une grenadine, une anthésite ou un petit orange, vous suivez votre feuilleton. Une fois pour toutes, Tintin et Haddock ont décidé d'accepter ce qu'ils ne peuvent empêcher. Que faire d'autre en pleine mer ? Quelques jours passent sans incident. Un matin, nous retrouvons Tintin et Haddock penchés sur une grande carte marine dans le bureau du capitaine. Regardez, nous sommes au point indiqué par les parchemins. Oui. Nous devrions donc bientôt apercevoir l'île près de laquelle a coulé la licorne. Et cette île ne figure sur aucune carte ? Non, mais ça arrive parfois lorsqu'il s'agit d'îles peu importantes. Mm-hmm. Venez, nous allons essayer de la découvrir. Tenez, prenez ces jumelles, je prends les miennes. Merci, capitaine. Allons-y. Vous voyez quelque chose, capitaine ? Encore rien ? Et vous ? Non, rien ! Quel vent, hein ? Vous cherchez quelque chose, capitaine ? Oh, les Dupont. Et Tournesol. Messieurs, j'offre une bouteille de champagne au premier qui découvrira une terre. J'ai entendu, Dupont ! Une bouteille de champagne au premier qui découvrira une terre. Si j'ai entendu, du champagne. Vous avez entendu, professeur ? Comment ? Ah non ! Je n'offre plus rien à boire à Monsieur Tournesol, quand je pense. Ouh ! Là-bas ! Là où ça ? Où, là-bas ? Oh, Dupont ! Oui. Tiens le ruban de mon béret que je puisse regarder. Bon, ben alors tiens le mien. Bon, voilà. Vous voyez quelque chose, capitaine ? Rien ! Monsieur Tournesol ! Monsieur Tournesol ! Où est-elle, cette île ? Je ne vois rien ! Ah si, si, capitaine, c'était un requin, je vous assure ! Ah mais je l'ai vu, je vous dis ! Un requin ! C'est une île que nous cherchons, monsieur Tournesol ! Rien ! Toujours rien ! Ça commence à être bizarre ! Comment s'appelle-t-elle, votre île ? Mais comment voulez-vous que je la sache ? Elle ne figure sur aucune carte ! Ah, et vous êtes certain que nous sommes à proximité, capitaine ? Tout à fait, j'ai fait le point hier à midi. Eh bien sûr, mais peut-être... Peut-être vous êtes-vous trompé dans vos calculs, quoi. Je dirais même plus, capitaine. Peut-être vous êtes-vous trompé dans vos calculs. Ah, je me suis trompé. Non. Eh bien, ils sont restés sur ma table, mes calculs. Allez les vérifier. Non, allez, écoutez, capitaine. Je ne sais pas. Mais si, si, tout de suite, allez-y, vérifiez-les. Allez. Il commence. commence à m'agacer, ces deux-là, avec leur méfiance. Dites, capitaine, est-ce un poisson, cet animal qui vient de sauter hors de l'eau, là-bas? Non, c'est un pied loin queue. Ah, bon, il semblait bien que ça pouvait pas être un poisson. Capitaine, excusez-nous, mais il y avait réellement une petite erreur dans vos calculs. Oh, oh, une toute petite erreur. Voici exactement où nous sommes. Ah, faites voir. Vous avez raison, je m'étais trompé, messieurs. Veuillez vous découvrir. Et Dupont, enlève ton béret, on te dit. Ah bon? Alors pourquoi faut-il se découvrir, capitaine? Non mais enfin... Oui, je... oui. Voilà, vous pouvez vous recouvrir. Enfin, non, mais enfin capitaine, nous direz-vous ce que cela signifie. S'il vous plaît, parce que... signifie, messieurs, que selon vos calculs, nous nous trouvions dans la basilique de Saint-Pierre à Rome. Tonnerre de Brest, mais où se cache-t-elle cette île de malheur? Ah oui. Rien à l'horizon. Bon, je commence à croire que le chevalier de Haddock s'est payé notre tête. Je commence à le croire aussi, capitaine. Non, nous allons bien voir. Je vais prendre mon sextant. Il doit être près de midi. Il est moins 5, exactement. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Ling, le capitaine Haddock, Jean Carmet, Dupont ONT, Jean Bellanger, Dupont OND, Jacques Dufilot, Tournesol, avec Milou. Prise de son, Jean Jusforgue, bruitage et effet sonore, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation Jean-Jacques Vierne. Jean-Jacques Vierne, réalisateur de ce feuilleton radiophonique, allait signer l'année suivante, 1961, d'après un scénario original et pour le cinéma avec de vrais acteurs, Tintin et le mystère de la Toison d'Or. C'était les années 60, aujourd'hui, 1960, première émission. Archivina, Véronique Jolivet, Amélie Briand le Jeune et Hervé Evano. Vous pouvez consulter le site ina.fr sur lequel vous retrouverez certaines de ces émissions d'actualité, de variété, d'entretien, dont vous avez pu entendre des extraits au cours de cette émission. Et vous pouvez, à votre convenance, en découvrir sans doute d'autres sur cette année 1960. Les années 60, mixage Marie-Dominique Bougot, réalisation Annie Douel, une émission de Philippe Garbi. À suivre.